Le camarade Kim Jong-un, président du Parti Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté l'école secondaire pour orphelins de Pyongyang, construite merveilleusement en exemple et standard de l'environnement de l'enseignement secondaire. Il a été accompagné de Cho Yong-won, chef adjoint de département du comité central du Parti du Travail de Corée, et de Ma Won-chun, directeur de planification du comité des affaires d'État. En regardant le panorama de l'école secondaire pour orphelins de Pyongyang avec le large sourire, le camarade Kim Jong-un a dit plein de satisfaction. L'école secondaire pour orphelins de Pyongyang est construite vraiment bien de façon imposante. J'ai attendu avec impatience le jour où je pourrais entendre la voix claire des orphelins lisant les manuels et leurs chants chaque fois que je passais près du chantier de construction. Les stadiums de Pyongyang ont encore réalisé un grand mérite à se vanter dans le monde. En faisant le tour de divers endroits, dont l'édifice scolaire, la cour, le gymnase et le dortoir, le maréchal s'est enquis en détail de l'état de construction et des préparatifs de gestion de l'école. Il a dit que l'on a bien construit l'école secondaire pour orphelins de Pyongyang conformément aux études et à la vie des enfants et à la demande pédagogique et de continuer. Toutes les salles sont multidisciplinaires et informatisées et il y a toutes sortes d'équipements pédagogiques beaux à voir et conformes à l'usage. L'école secondaire est également dotée des laboratoires et salles de stage permettant aux enfants de consolider les connaissances et les bases de principes déjà apprises. Elle est construite de façon impeccable avec la cour couverte de gazon artificiel permettant aux enfants de se fortifier, la piscine couverte et le hall de sport multifonctionnel, ainsi que le dortoir qui n'offre aucun inconfort dans la vie des orphelins. Il a dit avec satisfaction que l'école est construite en espace contribuant au développement spirituel, moral et physique des enfants et un endroit adéquat pour les éduquer. Il a ajouté. Il faut bien faire le travail pour former les enfants de l'école secondaire pour orphelins de Pyongyang en maître du pays. Avec le noble concept envers la postérité et l'avenir, l'amour maternel des parents et la conscience pure d'enseignants, les cadres intéressés et les enseignants de l'école doivent se consacrer entièrement pour les orphelins. Il faut accorder l'importance au travail pour rehausser la qualité de l'enseignement conformément à la demande du nouveau siècle et au courant du développement de l'enseignement mondial, au travail pour fournir suffisamment de vivres, d'articles scolaires et de consommation courante, et au travail pour inspirer aux enfants l'esprit collectiviste. Il faut également veiller à échanger et à généraliser les succès et expériences obtenus dans l'éducation et la gestion de l'école entre les écoles primaires et secondaires pour orphelins de tout le pays. L'école secondaire pour orphelins de Pyongyang est bien planifiée, bien construite. C'est impeccable. Elle me plaît beaucoup. Le nouveau berceau pour les orphelins manifestera une nouvelle fois de plus la supériorité de la politique de notre parti privilégiant l'enseignement et du régime socialiste à la coréenne. La construction massive ces dernières années des crèches, jardins d'enfants, écoles primaires et secondaires pour orphelins de Pyongyang et dans chaque province est le fier résultat obtenu dans la lutte pour appliquer l'amour pour la postérité et l'avenir ainsi que la politique de notre parti privilégiant l'enseignement. Un établissement scolaire tel que l'école secondaire pour orphelins de Pyongyang est sans doute sans pareil dans le monde. La construction d'une école chic pour les orphelins m'est un grand plaisir donnant l'impression d'avoir cueilli les étoiles. On m'a réglé une de mes préoccupations d'élever les orphelins sans rien à envier au monde. La ville de Pyongyang a bien construit l'école secondaire pour orphelins en s'inspirant de la volonté du parti. La ville de Pyongyang, capitale de la révolution, diffère vraiment des autres. J'apprécie beaucoup les militants du parti et les travailleurs de la capitale qui, sous la direction du comité du parti pour la ville, travaillent bien en tant que créateurs du nouvel esprit de Pyongyang et de la nouvelle vitesse de Pyongyang et avancent à la tête du pays en arborant le drapeau pour appliquer l'idée et la politique du parti. Il faut que la ville de Pyongyang termine à la date définie par le parti la construction de l'école primaire pour orphelins aussi. Toutes les provinces doivent suivre l'exemple de la ville de Pyongyang pour terminer sans condition jusqu'à la journée du soleil de l'année suivante la construction des écoles primaires et secondaires pour orphelins en cours de construction. Étant donné que la construction de l'école secondaire pour orphelins de Pyongyang est terminée, il faut livrer solennellement la cérémonie d'inauguration et y emménager vite les orphelins. Le maréchal Kim Jong-un a promis de venir à l'école quand les enfants mèneront une vie heureuse dans leur nouvelle maison pour les voir étudier et faire les sports et se faire photographier en souvenir avec les orphelins.